Chapitre 184. La recommandation de se rassembler pour réciter ou étudier le Coran. 1023. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: nul groupe de gens ne se rassemble dans l'une des maisons d'Allah, la mosquée, pour réciter le livre d'Allah et l'étudier ensemble, sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent, et qu'Allah ne les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. Muslim.